Urgence. Encore une nuit passée perfusionnée. Une vie avec sursis où le temps est compté. Profiter de ses dernières vivacités et voir la mort arriver. Encore un rêve maudit me réveille dans la nuit. La vie s'échappe de mon corps tel un bateau quittant son port. Le diable est toujours là pour une arrivée à la mort. Foutue maladie, tu m'as jeté la première pierre. Chanter, avoir un souci, ne plus avoir cette foutue maladie. Et pouvoir sortir de mon lit. Urgence, urgence, urgence, urgence. Urgence, ma vie va bientôt s'achever. Et cette fois-ci, mon sursis s'en est allé. Alors pour y monter, j'aimerais avoir une dernière bouffée et pouvoir l'apprécier.